بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا يزال الكلام في باب صلاة العيدين et donc on continue le chapitre de la prière et le sous-chapitre lié à la prière du Eidain. L'auteur qui nous dit عن جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. Selon Jabir رضي الله عنه qui dit j'ai assisté avec le prophète صلى الله عليه وسلم le jour du Eid. C'est-à-dire, il a assisté à la prière du Eid. Il a commencé par la prière avant la khutbah, sans adhan ni iqama. Thumma qama mutawakki'an ala Bilal, fa amara bi taqwallahi ta'ala, wa hatha ala ta'atih, wa wa'adha an-nas, wa dhakkarahum. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est appuyé sur Bilal et il a ordonné aux gens de craindre Allah Ta'ala et il les a appelés à lui obéir et il les a exhortés et leur a fait leur appel. Il les a exhortés et leur a fait leur appel. Thumma mada hatta atan nisa. Ensuite, il est parti jusqu'à ce qu'il arrive auprès des femmes. Il les a donc exhortés et leur a fait leur appel. Et il a dit, ô les femmes, faites beaucoup d'aumônes, car vous êtes le plus grand nombre des gens de l'enfer. Aktharu hatabi jahannam. Le plus grand nombre des gens de l'enfer. Fekamat imra'atun min wasatin nisa. Saf'a'ul khaddain. Fekalat lima ya Rasulallah. Alors une femme au milieu des femmes s'est levée. Elle avait les joues colorées. Et elle a dit, ô messager d'Allah, pourquoi? Pourquoi, ô messager d'Allah, pourquoi est-ce que les femmes sont le plus grand nombre des gens de l'enfer? Fekala li anna kunna tukthirna shaka wa takfurna al-ashir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cette femme en disant, car vous vous plaignez beaucoup et vous êtes ingrates envers les époux. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أكراطهن وخواتيمهن. Alors les femmes ont commencé à donner leurs colliers en aumône et à jeter dans les vêtements de Bilal leurs boucles d'oreilles et leurs bagues. Fin du hadith. هذا الحديث فيه أمور كثيرة منها أولا أن الصلاة يوم العيد قبل الخطبة كما رأيناه سابقا. Il y a beaucoup de sujets dans ce hadith. Premièrement, comme on l'a vu précédemment, c'est que la salat le jour du Eid, elle se fait avant la khutba. وكذلك في الحديث أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ. Il y a aussi dans le hadith le fait que pour Salat al-Eid, il n'y a pas de adhan ni de iqama. Et les savants sont unanimes sur cela. وَهَذَا يُرْجِعُنَا إِلَى مَسْأَلَةٍ هَلْ صَلَاتُ الْعِيدِ فَرْضٌ أَوْ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ. Et cela nous renvoie à un autre sujet, qui est, est-ce que la prière du Eid, c'est une obligation faite à toute personne ou c'est une obligation communautaire. C'est-à-dire que si certaines personnes font Salat al-Eid, alors les autres qui n'ont pas participé n'ont pas péché. فالعلماء الذين يرون أن صلاة العيد ليست واجبة ذكروا أن الله تبارك وتعالى ميز الصلوات الواجبة عن غيرها بالأذان والإقامة. Les savants qui voient que la prière du Eid elle n'est pas obligatoire, ils ont dit que Allah تبارك وتعالى a distingué les prières obligatoires des autres par le Adhan et l'Iqama. لِذَلِكَ تَجِدُ أَنَّ الْأَذَانْ وَالْإِقَامَ مَوْجُودَانْ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَكَذَلِكَ لِصَلَاتِ الْجُمُعَةِ. Ils disent, et c'est pour cela qu'on voit qu'il y a donc le Adhan et l'Iqama pour les cinq prières obligatoires et aussi pour la prière du Jumu'ah. أما الصلوات المستحبة فليس لها أذان ولا إقامة. En ce qui concerne les prières surérogatoires, il n'y a pas de أذان ni de إقامة. بارك الله فيك. وهذه المسألة أي حكم صلاة العيد. هذه المسألة لعلنا ندرسها غدا إن شاء الله تعالى. Ce sujet, le sujet donc. Le jugement de la prière de Eid est-elle obligatoire ou pas? On va essayer de l'aborder demain, inshallah ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on va citer un autre hadith lié à ce sujet. Et à ce moment-là, on va aborder le sujet bi'iznillahi ta'ala. Mais il faut déjà qu'on finisse le hadith qu'on étudie aujourd'hui, qu'on ne va pas finir d'étudier aujourd'hui. On va, j'espère qu'on pourra le finir demain, bi'iznillahi ta'ala. Et si on le finit demain et qu'on a le temps d'aborder le sujet donc du jugement de la prière du Eid, alors on fera tout ça demain bi'idnillah. Wa fil hadith al-amru bi taqwallahi tabaraka wa ta'ala. Il y a dans le hadith le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad kasura al-kalam fi hadha al-mawdu'. Et certes, on a beaucoup parlé de ce sujet, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Fa hadhihi al-mas'ala muhimma. Ce sujet est très important. فإن من لم يكن متقيا لا يستفيد من هذه الدروس وهذه المواعظ كما ينبغي. Celui qui n'a pas de taqwa, qui ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala, il ne pourra pas profiter de ses assises, de ses cours, ni des exhortations comme il doit le faire, comme il doit bien, il ne pourra pas bien profiter de ses cours ni de ses recommande de ces exhortations, excusez-moi. Tout cela à cause du manque de taqwa. Anta tansahu yaqul na'am na'am thumma yarji' ba'da dhalika ila ittiba'i hawa. Tu le conseilles, il te dit na'am na'am, ouais, c'est vrai, et ensuite il retourne dans le fait de suivre ses passions. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taqwa, il n'y a pas le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. وفيه أهمية التذكير بالجنة والنار ليرغب الناس في العبادة وفي الخير وليخافوا من النار. Il y a aussi dans ce hadith le caractère important de rappeler aux gens le paradis et l'enfer afin que les gens se motivent et aient envie d'accomplir du bien et aient peur du feu et donc est peur de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi al-hadith ahammiyat ta'lim an-nisa. Fa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khataba ar-rijal wan-nisa'u ba'idat qad la yasma'na fa dhahaba ila an-nisa' ya'idhuhunna kadhalik. وهذا مهم لا ينبغي ترك النساء في البيوت مع الأولاد لا يتعلمن شيئا علينا أيها الإخوة أن نحرص على تعليم نسائنا. Et donc il y a dans ce hadith le caractère important d'enseigner aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a sermonné les hommes, il a fait le sermon aux hommes. Et les femmes, elles étaient éloignées. Il se peut qu'elles n'entendent pas. Alors il s'est déplacé. Il est allé vers les femmes. Il leur a aussi fait un sermon. Cela est très important. Il n'est pas convenable de laisser les femmes dans les maisons avec les enfants sans apprendre la religion. Sans apprendre la religion. Cela est grave. Les frères, nous devons nous efforcer d'enseigner à nos femmes la religion. Certaines te disent « Ah non, moi je veux pas qu'elle écoute les prédicateurs, je suis jaloux ou autre. » Tu es jaloux, le catholique. Enseigne-lui. Ne la laisse pas comme ça. Ne la laisse pas comme ça, elle n'apprend pas, etc. Et donc c'est important, les frères, que on fasse attention à ça. Qu'on fasse attention à nos épouses. Nous sommes responsables d'elles. Nous sommes responsables de nos femmes. Nous sommes responsables de nos enfants. Nous devons nous efforcer de faire en sorte de les mettre dans des conditions qui leur permettent d'apprendre leur religion. وفي الحديث أن النساء أكثر أهل النار لذا أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a aussi dans le hadith le fait que les femmes sont le plus grand nombre des gens du feu. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de faire des aumônes, car l'aumône éteint, car l'aumône efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fama huwa as-sababu fi kathrati dukhulihin an-nar. Quelle est la cause qui fait que beaucoup de femmes rentrent en enfer? هذا السبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو كثرة التشكي والكفر بالعشير. Cette raison, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a cité, et c'est le fait de beaucoup se plaindre et aussi le fait d'être ingrat envers l'époux. Le fait que la femme soit ingrate envers son époux. قال العلامة النجمي رحمه الله فجعل هذين السببين موجبين لدخول النار وهو كثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن وهذا أمر ملموس في النساء فكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بما يقضيه الله عز وجل لذلك كان موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى انتهى. Le très savant Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que ces deux causes sont des causes, que ces deux éléments sont deux causes qui vont entraîner le fait de rentrer dans le feu. Le fait que la femme va beaucoup, le fait que les femmes vont beaucoup se plaindre de leur situation et de ce qui leur arrive à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est connu, que nous pouvons voir chez les femmes. Le fait qu'elles vont se plaindre de leur situation. Il y a en cela, en réalité, il y a en cela le fait de se plaindre, il y a dans le fait de se plaindre une forme de rejet, tasakhut liqada illah, le fait donc de rejeter et donc d'être en colère face au destin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à cette personne. Et il y a dans cela aussi le fait de ne pas agréer, de ne pas accepter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. C'est pour cela que ceci, donc cet acte-là, implique la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Donc le fait que cette femme va ne va pas accepter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela va entraîner la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fahdharu ayyuha an-nas min hadha al-amr. قوم النساء يتسخطن من قدر الله من حيث أو قوم الإنسان يتسخط من قدر الله تعالى من حيث لا يشعر. Et donc, méfiez-vous, ô gens, ô hommes, méfiez-vous de cela, le fait que la personne se plaigne du destin qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé sans qu'elle le sente. والسبب الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخول النساء النار هو الكفر بالعشير. La deuxième cause qu'a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, qui fait que les femmes rentrent beaucoup dans le feu en enfer, c'est le fait d'être ingrate envers leurs époux. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفرن بالعشير وبالإحسان فإن أحسن إليكن الدهر ثم أساء إليكن إساءة لقلتن ما أحسن إلي قط. Il a été cité dans une narration que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: vous êtes ingrates envers les époux et envers la bonté. Car si celui-ci fait preuve de bonté avec vous tout le temps, puis agit avec un mauvais comportement une fois, alors vous dites: certes, il n'a jamais été bon envers moi. Certes, il n'a jamais fait preuve de bonté envers moi. Fallahu al-musta'an. Hadha az-zawj يتعب من أجلها في الخدمة وفي غيرها ثم تقول ما أحسن إلي قط. Et donc cet époux qui va se fatiguer pour cette femme au travail et ailleurs, et ensuite elle dit: il n'a jamais fait preuve de bonté envers moi. فنصيحتي لأخواتنا التي يسمعننا اليوم أو من التسجيل أن يتقين الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقدر الله وأن يتركنا التشكي وأن يتقين الله عز وجل في أزواجهن. Et donc mon conseil à nos sœurs qui nous écoutent aujourd'hui ou dans les enregistrements, ce conseil qui est de craindre Allah Azza wa Jal concernant le décret d'Allah et de délaisser le fait de se plaindre. Et mon conseil est aussi de craindre Allah Azza wa Jal concernant leurs époux. Wa ansahu aidan ikhwanana fama aktharu alladhina يتشبهون بالنساء في هذه الأزمنة. Et aussi mon conseil pour nos frères: comme sont nombreux ceux qui vont ressembler aux femmes à notre époque. وفي هذين الأمرين أيضا. Et dans ces deux sujets que nous avons cités aussi: فتجد الرجل يكثر التشكي مما يصيبه في البيت أو خارج البيت. Et donc tu vas trouver cet homme qui va beaucoup se plaindre de ce qui lui arrive à la maison ou de ce qui lui arrive à l'extérieur de la maison. Parfois à tel point que les gens savent que un tel, il a tel et tel problème avec son épouse et tel et tel problème. À tel point que les gens même, ils vont voir ton épouse. Ils vont avoir un mauvais regard sur ton épouse parce que c'est toi qui lui as donné cette mauvaise image. À force de parler d'elle, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Et donc ces hommes-là vont cela ressembler à ces femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith. وكذلك هذه المرأة إن أخطأت مرة قال إنها سيئة ما أحسنت إلي قط. Et de la même façon, cette femme, si une fois elle agit mal, elle se trompe, alors il dira, elle n'a jamais fait preuve de bonté envers moi, alors qu'il n'a pas remarqué tous les efforts qu'elle a fait pour lui et la fatigue tous les jours pour les enfants, pour que lui soit à l'aise à la maison. Il n'a pas remarqué tout cela et il dit, elle n'a jamais fait preuve de bonté. Et donc nous devons tous craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant les serviteurs d'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de purifier nos cœurs et d'améliorer notre situation. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu.